j'ai 16 ans. Mon grand frère est connu de tous les bâtiments. Celui qui me touche connaît son châtiment. Forcément, tout le monde me parle gentiment. Quand il manque du shit dans la boîte à chaussures, direct il me cherche quand il rentre. J'avoue, des fois je fais du chiffre en gazant sur des étrangers clients. C'est mon frère, quel mal y a là-dedans. J'guette ailleurs quand je dis bonjour aux gens. Un pote à mon ref disait que c'était vexant. Nique cet ancien et les autres, c'est pas eux qui me donnent à gémon, non. Laissez-moi, je trace mon hégémonie. J'croise FD, va te coiffer, qu'est-ce t'as rappé aujourd'hui. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton frère, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton âge, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton grade, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma, mais fais bellec ma, mais fais bellec ma couille. Après avoir emprunté des billes à Auchan, je rentre chez moi pépère manquant. Je vois un truc bandant, une meuf présentablement sortable. Je calme pour lui demander son portable. C'est là qu'elle tape ses chichis, joue les grandes dames. De façon poliment insupportable, donc je la traite de vieille raclée. Gros connard qu'elle me dit. Tout simplement, je lui ai pété dedans quand je la vois qui court vers mon bâtiment. Je la retrouve chez moi larmoyante, près du pote à mon frère, larme sortante. Le temps que je comprenne, c'était sa petite sœur. Elle crie, c'est lui. Mon ref m'a saisi, j'ai morflé toute la nuit. J'avais perdu le respect. Le grossiste à mon ref et surtout loyer de jeudi. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton frère, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton âge, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton grade, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma, mais fais bellec ma, mais fais bellec ma couille. Pour rembourser mon frère et les dents, j'ai trouvé un stand au plus, je rends la guette élégante. Mon patron surveille sa sape comme s'il vendait du Saint-Laurent Yves. Avec son gros bide et ses 45 biches, ma carotte la semaine dernière. Tout ce que j'ai vendu pour cette pince, j'ai pris le même salaire. Il parle mal, il continue, je brûle, c'est il figère Tony. Je suis là, je répertorie les sapes par taille. Quand il me dit, eh hey, petit merdeux, dis quoi? Grouille-toi, va me chercher un café. Je l'ai regardé, je lui ai dit t'as craqué. Il me répond, tu crois que je suis ton et pote? Et moi, je suis ton valet. Passe-moi ma maille que je me barre avant que je te chicote. Il m'a dit, je dis que s'il a dû me prendre pour une chuchote. Je vais shooter son gros bide. Je suis parti avec la caisse et mon respect. Tant qu'il reprenne son souffle. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton âge, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton frère, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton crâne, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma, mais fais bellec ma, mais fais bellec ma couille, couille. Fais bellec ma couille, ici peu de gens bafouillent. Et ton crâne, on s'en bat les couilles. Et ton âge, on s'en bat les couilles. Et ta plaque, on s'en bat les couilles. Et ta maille, on s'en bat les couilles. Et ton frère, on s'en bat les couilles. Ta réputation, on s'en bat les couilles. Fais bellec ma couille, couille.